3 nouvelles pièces en franco. On a aussi 4 nouvelles pièces en anglo qu'on entendra la semaine prochaine. Mais donc, ça fait 7 pièces et on doit dire au revoir à 7 autres. Alors voici Palm, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis la précédente édition. Qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 7 juillet au 3 août 2014. On a entendu dans l'ordre Ariel avec L'heure de la dose qui a duré 7 semaines. Ensuite, Mange l'ours mange et Nuit blanche qui a duré pas mal tout l'été avec 8 semaines. Jacques Maher et Père Hippie aussi 8 semaines. Pie Pie et New York, un faible 5 semaines. Drive-by Truckers, Shit Shot Count, Shots Count, oui, avec 6 semaines. Mark Mills et sa pièce Triple Fire Sign 7 semaines. Et finalement, Language Arts et Building a Mountain with Our Bare Hands 7 semaines. Et d'ailleurs, Language Arts qui est de retour en 19e place anglophone. On entendra dans l'édition de la semaine prochaine. Voilà pour Palmarès in Peace. On se dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Merci à vous d'avoir joué au Palmarès, c'est fou.